Alors, ce matin, on va faire de ce que j'appelle l'Église 101. On va tenter d'être très pratique sur comment on doit fonctionner comme Église. Juste avant d'aller et de lire le texte principal que j'aimerais qu'on regarde, vous savez que les animaux, il y a des animaux qu'on classifie comme grégaires. Vous savez ce que ça veut dire? Par instinct, ils se tiennent en groupe. Que ce soit des oiseaux, des animaux plus terrestres, même les poissons, ils sont par bancs, on voit des volées d'oiseaux, il y a des troupeaux naturels d'animaux. Il semble que, selon les experts, il y a différentes raisons qui les amènent à se tenir ensemble. C'est instinctif, mais ça les aide à se protéger. Je pense qu'on a tous vu des reportages là, où, à un moment donné, les petits sont au milieu, les adultes sont en rond, il y a un lion qui essaie d'attaquer un troupeau de bisons ou je ne sais pas quoi, et ils défendent en gang, ils sont presque inatteignables. Il y a aussi des fonctions, il semble, chez certains animaux. Il y a, par exemple, les singes, ils se tiennent en groupe, mais il y a des singes qui ont la fonction d'être des singes guetteurs. Alors, ils sont dans l'arbre, et s'ils voient arriver un danger, ils crient, ils avertissent le reste de la gang, puis tout le monde est protégé, C'est la même chose chez les guêpes ou les abeilles. Ils ont des fonctions vraiment diversifiées, complémentaires, puis ça fait qu'ils sont efficaces ensemble. Même pour le plaisir, l'amusement, il semble que les animaux se tiennent ensemble pour pouvoir avoir du fun. Ils jouent ensemble, vous avez vu ça, hein, des chiens de prairie ou des petits animaux comme ça. Puis même pour chasser. Des fois, des animaux plus petits, parce qu'ils sont ensemble, ils peuvent s'attaquer à une grosse proie, puis arriver à se nourrir comme ça. Donc, Dieu a mis dans leur cœur cet instinct-là d'être ensemble, puis qui fait que c'est pour leur bien. Et, bien, c'est la même chose pour nous comme chrétiens. Dieu veut qu'on forme un corps. Un, qu'on soit unis. Et donc, j'aimerais parler de cela ce matin. Vous me connaissez, dans mon habitude, j'ai tendance à prêcher ce qu'on appelle par exposition ou de façon exégétique, dans le sens que je prends un texte de la Bible, puis je vais tenter de comprendre c'est à quoi le but de l'auteur, vous l'exposer et donc rester attaché à ce texte-là pour ensuite vous donner des applications. 99% de mes prédications, c'est sous cette base-là. Mais ce matin, j'aimerais plus le faire de façon thématique. Donc, regardez ensemble pratiquement, ça ressemble à quoi notre vie de corps, à quoi ça devrait ressembler. Thématique, je vais prendre plutôt l'ensemble de l'Écriture, parce que c'est important qu'on soit équilibré. On appelle ça aussi de la théologie systématique, c'est prendre le conseil de Dieu dans son ensemble, dans l'Écriture. On va regarder ça donc ensemble ce matin. Alors, ce que j'aimerais faire, je vous rappelle les points, peut-être, c'est-à-dire je vous précise les points. D'abord, j'aimerais... au départ, vous présentez un texte de l'Écriture qui va nous rappeler le principe fondamental que l'Église, que le croyant est appelé à vivre en unité avec les autres. Dieu ne veut pas de chrétien Robinson Crusoe, seul chez lui. Dieu nous veut en groupe, veut qu'on forme un. On va regarder un texte d'abord. Ensuite, j'aimerais qu'on regarde ensemble les différentes formes qui sont proposées autour de nous. On doit vivre ensemble. À quoi ça doit ressembler? Et dépendamment des conférenciers, dépendamment des livres que vous lisez ou des messages qu'on entend, on va nous présenter différentes formes de regroupement ensemble. Et j'aimerais vous les exposer. Dans un troisième lieu, j'aimerais qu'on regarde maintenant qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces suggestions-là et vous proposer quelque chose que j'appelle une vue équilibrée de notre vie communautaire. Puis finalement, comme toujours, j'aimerais terminer avec quelques aspects bien pratiques pour nous aider à vivre tout cela. Comme Église, ce que nous voulons, c'est atteindre notre région. Et la clé, une des clés, mais une clé importante, c'est nous comme corps, c'est nous comme Église, c'est notre unité, notre force, les forces de chacun qui se complémentent, bien coordonnées, formant un solide assemblage qu'on est à l'œuvre dans la mission de Dieu. Et donc, c'est dans ce sens-là, ce matin, que je voulais rappeler ces principes importants. J'aimerais qu'on prie avant de lire le texte ensemble. Donc, prions. Seigneur, nous touchons à quelque chose qui t'est précieux ce matin. À l'instant où on parle de l'Église, de ton peuple, nous savons que pour toi c'est important, parce que c'est pour ton peuple que tu as donné ta vie, Seigneur Jésus. Et tu es en train de te former un peuple zélé pour toi, qui t'aime, racheté, zélé pour les bonnes œuvres, et tu nous veux en unité. Tu nous connais, tu connais notre tendance, on a vraiment de la misère à s'aimer, à être humble, à pratiquer ce que tu nous commandes, mais ce matin, nous nous présentons devant toi, nous t'offrons nos vies, et nous voulons, Seigneur, que tu nous transformes pour qu'on puisse arriver à vivre ces standards de bénédiction et d'efficacité que tu as mis pour nous. Alors, bénis l'exposition de ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Tournez, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 11. Donc, d'abord, j'aimerais qu'on se rappelle le principe fondamental. Ce n'est pas mon idée que Dieu nous veut comme croyants en groupe, en corps, en communauté. C'est vraiment le principe de l'Écriture. Et on le retrouve à plusieurs places, mais dans Éphésiens 2, à partir du verset 11, particulièrement, on retrouve cela. Donc, Paul écrit aux Éphésiens, qui étaient composés de Grecs, c'est-à-dire de non-Juifs, et de Juifs. Et il leur dit ceci. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès de Dieu dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tout un texte. Au premier siècle, s'il y avait vraiment deux groupes qui étaient opposés, ennemis, antagonistes, c'était les Juifs et le reste du monde, les païens. Et ce que ça nous dit ici, c'est que Dieu a pris ces deux groupes qui n'avaient rien de commun, ces deux groupes extrêmes, ennemis. Et là, il emploie différents termes pour dire comment il les a unis. Premièrement, au verset 14, il dit « il les a fait un ». Au verset 15, il dit « il a créé un nouvel homme avec ces deux groupes, un nouvel homme ». Ce n'est pas qu'il a pris les païens puis qu'il en a fait des juifs, ou qu'il a pris les juifs puis qu'il en a fait des païens. C'est qu'il a pris ces deux groupes-là puis il en a fait un complètement nouveau. Un nouvel homme, une nouvelle entité. C'est intéressant parce qu'il emploie le mot « créer ». Ça nous ramène à la Genèse où Dieu a créé l'homme. Bien, il nous dit qu'en Christ, à cause de la croix, à cause de l'œuvre de Jésus qui est mort pour nous, ceux qui croient en lui, il y a quelque chose d'aussi radical. Une nouvelle création, une nouvelle entité qui est l'Église. Puis il appelle ça ici un nouvel homme créé par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous exhortons les uns les autres, puis qu'on se dit, hey, let's go, il faut qu'on soit un, puis, et que finalement, à force de s'encourager, on finit par créer quelque chose qui tient. Non, c'est une œuvre de Dieu, puissante, efficace, à cause de Jésus. Il fallait que Jésus meure, il fallait qu'il abolisse, comme ça s'est mentionné, la loi qui séparait fondamentalement les deux groupes. Donc, au verset 15, un nouvel homme qui a été créé. Au verset 16, ça nous dit un corps. On forme maintenant un corps. Une image beaucoup employée dans la Bible qui parle de notre diversité, très différents les uns des autres, mais par notre unité, coordination, par notre travail ensemble, on forme un seul corps. Comme le corps est différent, chaque membre, mais forme une unité. On est une patrie, une ville, on est maintenant tous concitoyens. On fait partie de la même ville, on a les mêmes privilèges, on est tous concitoyens. Verset 19, il nous dit, on est la maison de Dieu. Pensez pas à un édifice ici, là. Pensez la maisonnée, la famille. La famille de Dieu, on est frères et sœurs, Dieu est notre Père. Il y a quelque chose de foncièrement intrinsèque en nous qui fait qu'on est unis. Une famille et un édifice. Verset, à partir du verset 20, je crois, à partir du verset 19, c'est ça, il nous parle d'un bâtiment. Il y a un fondement, on a été édifié sur le fondement des apôtres, c'est Jésus la pierre angulaire, puis nous on forme un édifice qui finalement devient un temple saint qui est coordonné, encore une fois le mot qui est employé là, donc un seul édifice. Cette question d'unité, c'est fondamental, frères et sœurs, ce qu'on parle là. Parce que à peu près rien ne tient là, dans notre société, on le sait, les familles sont déchirées, le mariage est complètement viré à l'envers par toutes les valeurs actuelles. L'unité est très difficile à créer, en fait, est impossible humainement parlant, c'est royaume contre royaume, division, pays contre pays, race, des guerres entre nous, entre les sexes, entre les hommes, les femmes, etc. C'est partout comme ça, sauf dans l'Église, ça ne devrait pas être de même. Pourquoi? Parce qu'on est plus intelligent? Non, parce que Jésus, c'est lui le chef, c'est lui le maître, c'est lui qui a créé cette nouvelle entité, puis c'est là qu'il veut l'apporter, l'amener vers cette unité, et pas juste une unité dans les livres, théorique, mais vraiment pratique, qu'on peut vivre, qu'on doit vivre, qu'on est appelé à vivre à tous les jours. Et remarquez comment la Trinité est impliquée. Verset 18. Car par lui, c'est-à-dire par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus, le Père, l'Esprit. Les trois personnes de la Trinité sont en train de travailler pour produire cette unité. Et c'est la même chose aussi au verset 22, où on a encore la Trinité qui est là. Maintenant, OK, on forme une unité. Maintenant, ça ressemble à quoi? Comment on vit ça pratiquement? Et j'aimerais donc vous présenter assez rapidement les formes qui nous sont proposées. Je vais partir de ce qu'on entend. Il y a des conférenciers qui viennent et qui nous présentent. Voici comment vous devriez fonctionner, là, pratiquement comme Église. La clé dans votre organisation, la forme que vous devriez prendre. Des conférenciers, des gens qui écrivent des livres ou des prédicateurs qui vont nous présenter différentes formes. Et moi, je vous les présente, OK? Bien sûr, première forme, c'est la Grande Assemblée. Peut-être vous avez lu le livre de Schwartz qui s'appelle « Le développement naturel de l'Église ». Puis lui, il présente 8 critères qui font qu'une Église va réussir, va être efficace. Et un de ces critères-là, c'est des rassemblements, des grands rassemblements où c'est édifiant et bénissant pour ceux qui participent. Et quand on a ces grands rassemblements où Dieu est présent et Dieu agit et bénit son peuple, on a une Église efficace. Et en fait, on est d'accord avec lui, parce que, entre autres, dans 1 Corinthiens 14, verset 23, Paul dit aux Corinthiens, « Quand vous vous rassemblez dans la grande assemblée, c'était même là dans l'Ancien Testament, hein, où Dieu avait ordonné à son peuple trois fois par année de venir puis de se rassembler au temple. Vous allez dire, ouais, c'est pas beaucoup, trois fois par année, mais pensez géographiquement, là, il y avait des gens des deux extrêmes du pays. Tout le monde devait se déplacer et venir à Jérusalem au moins trois fois par année pour se rassembler et célébrer Dieu ensemble. Dans le fond, je ne pense pas que j'ai besoin d'insister beaucoup là-dessus parce que je vais vous présenter d'autres formes. Entre autres, une forme, c'est les petits groupes. Puis, généralement, quand l'Église essaie de faire autre chose, exemple, dans les petits groupes, il y a peut-être 20-25 % de l'Assemblée. Ça, c'est le gros top qu'on peut atteindre. Dimanche matin, c'est tellement ancré en nous, les grands rassemblements, que quoi, on est à 90 % des gens ici. Alors, cette première forme que Dieu veut qu'on vive, ben, celle-là, on y adhère normalement. Première forme, donc, la grande assemblée. La deuxième, c'est les petits groupes. Alors, encore une fois, vous allez lire des livres, des conférenciers, prédications. On va prendre un texte et qui nous disent qu'ils se rassemblaient dans les maisons. Il y avait des églises plus petites, des églises maisons. Et donc, des conférenciers vont nous dire, si vous voulez absolument réussir, être efficace, accomplir la mission que Dieu vous a donnée, ça prend des petits groupes où là, on peut vivre quelque chose de plus intense, où on est en relation vraiment les uns avec les autres. Je suis conscient des besoins de mon frère, de ma sœur. Je peux intervenir directement. Lui peut ou elle peut intervenir. Ces petits groupes peuvent prendre différentes formes. C'est des groupes de prière, des groupes d'études bibliques, des groupes où on peut-être traite d'un sujet précis. Alors, les gens qui vivent, exemple, des difficultés au niveau de la dépression sont ensemble avec quelqu'un qui les aide et qui progresse. Donc, la question des petits groupes, appelés groupes maison, cellules, donc certains insistent là-dessus. Nous croyons aussi que c'est biblique, nous croyons aussi que l'Écriture l'enseigne, et tout à l'heure je vais revenir là-dessus. Troisième, une des façons aussi de vivre cette relation-là, c'est au travers des dirigeants. Donc, relation brebis-berger, c'est tiré du monde l'agriculture de l'époque. Donc, les gens avaient des brebis, il y avait des bergers, puis le Seigneur a utilisé cette image-là pour parler. Bien, dans l'Église aussi, il y a des brebis, il y a des bergers, les bergers sont eux-mêmes des brebis, mais il y a des gens qui sont appelés à prendre soin particulièrement du troupeau. Donc, il y a des gens. Et il y a quelqu'un dernièrement qui a écrit sur sa page Facebook ceci. Il a dit, « Ainsi va le pasteur », lui, il l'a mis au singulier, « le pasteur ». C'est vrai que dans l'écriture générale, ben, on parle plus « des », c'est au pluriel, mais lui, il l'a mis au singulier. « Ainsi va le pasteur, ainsi va l'Église ». Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, on en reparlera, là, peut-être mercredi. Mais son point, lui, c'est que c'est extrêmement important, les dirigeants. Et si une Église, dans notre organisation, une forme que ça doit prendre, il faut qu'il y ait des dirigeants. C'est vrai que l'Écriture en parle. L'Écriture nous dit que Dieu a établi des leaders qu'ils veillent sur nos âmes puisqu'ils vont avoir à rendre compte. Donc, des gens qui sont là et qui doivent surveiller le troupeau avec amour, des serviteurs, des cœurs de serviteurs, comme Jésus a donné sa vie, qui sont prêts à donner leur vie pour les brebis et servir, aimer et prendre soin. Une autre forme, celle-là peut-être, on en parle un petit peu moins, mais si vous avez lu ou si vous avez assisté à quelques conférences, on en entend parler, c'est le parrainage, c'est-à-dire coaching ou de faire des disciples. Et l'idée est à peu près ceci, c'est qu'on dit, vous avez sûrement entendu ça, il faut se reproduire. Donc, tu amènes quelqu'un au Seigneur, puis tu suis cette personne-là. Tu es son parrain, son coach. Et donc, tu n'en prends soin, puis tu l'amènes à grandir dans sa foi en travaillant avec cette personne-là. Et c'est là qu'on va dans l'Écriture. Les gens qui mettent beaucoup d'accent là-dessus vont aller dans l'Écriture. Ils vont te parler que Moïse avait coaché Josué, Jésus avec les 12, Paul avec Tite, Timothée, etc. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans l'Écriture. Et c'est là qu'on nous dit des choses comme, à imaginer si chacun de nous, on se reproduisait, C'est-à-dire que je conduis quelqu'un au Seigneur, puis j'en prends soin. Puis la personne que je conduis au Seigneur, elle-même conduit une autre personne au Seigneur, puis n'en prend soin. Et que même aux 2 ans, on répétait le cycle comme ça. Imaginez ce qui se produirait. Ça irait de façon exponentielle. Donc, l'idée de parrainer quelqu'un, de prendre soin, d'être le coach de quelqu'un, prendre soin de lui particulièrement, et on l'emploie beaucoup aussi au niveau de la formation des leaders dans l'Église. Alors ça, c'est une autre forme qu'on entend et qui, je crois, est là aussi dans l'Écriture. Autre forme, l'amitié. On retrouve ça surtout dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, malgré que c'est là dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis Paul parle à Philémon, puis il l'appelle « si tu me tiens pour ton ami ». Donc, il y avait une amitié avec Philémon. Quelqu'un a dit, concernant l'amitié, c'est tellement important qu'on puisse avoir des amitiés, des amis, des gens plus près, qu'il a même été jusqu'à dire que si on entre dans une assemblée, on veut se joindre à une assemblée, puis si après 2 ou 3 semaines, tu t'es pas fait un ami, tu risques de quitter puis aller ailleurs. Ça, c'est ce que certains disent concernant l'importance de l'amitié. Dans la Bible, on parle de l'ami. Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Que l'ami, c'est aussi celui qui montre à son ami la bonne voie. Il est capable, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, donc il ne fait pas juste flatter dans le sens du poil, comme on dit. Il est capable de reprendre, mais il ne lâche pas. Il aime en tout temps. Il lâche pas. Et il y a comme des atomes crochus. L'exemple, c'est David et Jonathan, hein, qui étaient des amis dans l'Ancien Testament. Donc, on va insister sur le fait que dans l'Église, il faut qu'il y ait ces amitiés. Des personnes qui sont proches les uns des autres, qui s'aiment, qui prennent soin, qui prient les uns pour les autres. Quelqu'un à qui je peux ouvrir mon cœur, partager, à qui je peux être redevable, qui va pas avoir peur de me reprendre, et vice-versa. L'autre forme, bien sûr, c'est la famille. Parce que l'Église, notre regroupement, est formé de familles. Et des gens vont dire que leur devise, c'est à peu près ceci. Des familles stables et fonctionnelles entraînent une Église stable et fonctionnelle. Vous avez déjà entendu ça? Donc, si on veut que l'Église soit forte, il faut travailler au niveau des familles. Puis on va revenir au texte de l'Écriture. Ces gens-là vont dire, regardez dans l'Écriture, dans à peu près chaque épître, il y avait une grosse partie où on disait les devoirs dans la famille, du mari envers la femme envers le mari, les enfants envers les parents envers les enfants, même les serviteurs. Donc, les églises qui mettent l'accent là vont mettre beaucoup d'accent sur les ministères de la famille à l'intérieur de l'Église, en se disant, là où les gens sont forts, les familles sont fortes, c'est-à-dire les couples sont forts, les familles avec les enfants sont forts, les familles vont être fortes. Et le dernier, ben en fait, je le présente, il a l'air comme un cheveu sur la soupe, mais l'individu. Les autres, c'est tout le groupe, mais certains vont dire, il ne faut pas oublier non plus qu'on est avant tout des personnes. Et que le point particulier, c'est qu'il nous faut avoir une relation d'abord avec Dieu. L'Église ne remplacera jamais Dieu. Pensez pas que l'Église va pouvoir, si vous ne prenez pas le temps de lire, si vous ne prenez pas le temps de prier, d'avoir une relation personnelle intense avec Dieu, que vous allez pouvoir grandir. Puis ne demandez pas à l'Église de faire ce que Dieu seul peut faire. Donc, dans tout ce contexte-là, c'est certain que ce principe-là demeure. Et même si l'Église joue son rôle, on doit examiner. J'ai le devoir personnellement d'examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on m'enseigne est exact. Il y a une démarche personnelle qui doit être là. Alors, donc, on va dire, si l'individu grandit, a une relation vivante avec Dieu, bien, on va avoir une Église forte aussi. Je voulais le présenter, même s'il est un peu différent, parce que là, on retombe à quelque chose d'individuel. Voilà. Donc, ça, c'est les différentes approches qui sont suggérées. Laquelle est la meilleure? Laquelle on va prendre, nous? J'aimerais vous présenter une approche que je crois équilibrée. En fait, si c'est Dieu, suivez-moi bien, si c'est Dieu qui a établi ces différentes formes, si c'est lui qui les a mis vraiment dans l'Écriture. Bien, l'idée, ce n'est pas laquelle on choisit, c'est comment on peut avoir quelque chose qui va nous permettre d'avoir le maximum, de toutes les avoir si c'est possible, d'avoir quelque chose d'équilibré. Et que Dieu nous donne, frères et sœurs, de former une unité et d'avoir des grands rassemblements vraiment édifiants, où la parole de Dieu est prêchée, c'est la parole qui est le centre, la parole de Dieu est prêchée sans compromis. Et il y a des temps où ensemble on loue le Seigneur avec zèle, ardeur, parce qu'il en est digne, des rassemblements bénis, édifiants. Que Dieu nous donne cela. Que Dieu nous donne en parallèle d'avoir des petits groupes. Parce que dans les petits groupes, c'est là que ça nous permet d'avoir, de vivre quelque chose, des fois, d'un petit peu plus sur le terrain, terre à terre, où là, on prend soin réellement les uns des autres, parce qu'on est au courant. Je suis au courant de ce qui se passe avec mon frère, avec ma sœur. Je prie pour lui, pour elle. Je peux mettre mes dons au service des autres. D'avoir des petits groupes hétérogènes, c'est-à-dire qui sont diversifiés, comme à peu près on a le mercredi, où il y a des gens de différents âges, différents sexes, différents besoins. On vient ensemble. Puis, ces petits groupes-là sont vraiment édifiants parce que je peux apprendre de tous et chacun, puis avoir une perspective de l'autre qui est différente de moi. Mais avoir des groupes aussi homogènes, où des fois, on a un petit groupe d'études sur comment éduquer les enfants. Peut-être, pour certains, si vous n'aimeriez pas nécessairement à ce moment-ci de votre vie participer à cela, ça ne serait pas très utile, vous n'avez pas d'enfants. Mais des groupes bien précis qui répondent à des besoins, bien précis. Puisque l'Église primitive le faisait, puis il y avait ces petits groupes-là. Je pense qu'on doit, comme Église, aussi le vivre, puis favoriser dans notre structure ces petits groupes-là aussi. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, des pasteurs, des véritables hommes de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui sont prêts à donner leur vie pour la parole de Dieu, puis pour le peuple de Dieu. Pas des gens qui sont là dans leur bunker, simplement en train d'enseigner de loin, mais qui sont près des brebis, qui veillent sur les âmes réellement des brebis, qui ne sont pas là pour se servir eux-mêmes, mais pour servir le peuple de Dieu, qui ne se voient pas comme le nombril du corps. Hein? Il y a des gens, là, ils sont pasteurs, puis s'il y a un cours à donner sur l'éducation des enfants, oh, c'est eux autres les meilleurs toujours. S'il y a un cours à donner sur comment diriger un petit groupe, oh, c'est eux autres les meilleurs. S'il y a comment vaincre la dépression, ils n'ont jamais fait de dépression, mais c'est eux autres les meilleurs pour l'amener. Attention, les pasteurs aussi doivent être humbles, reconnaître leurs limites, puis un de leurs rôles, c'est de mettre le corps en action, puis d'aller chercher, stimuler, former les éléments du corps pour que, justement, le corps puisse aller de l'avant. Mais que Dieu nous donne ces hommes de Dieu. On a besoin aussi, et que Dieu nous donne, d'avoir des parrains, des gens qui sont prêts à suivre d'autres. Et attention, je vous l'ai déjà dit, puis je le répète, moi, je n'aime pas l'idée de me reproduire. Benoît va se reproduire dans quelqu'un. Alors, je prendrai quelqu'un, il vient au Seigneur, puis là, je le suis pendant toute sa vie, comme si j'étais le meilleur, moi, pour l'aider dans tous les aspects de sa vie. Attention, je ne veux pas me reproduire dans personne, j'ai assez de misère avec moi-même, je n'en veux pas un deuxième comme moi. Sauf que je peux suivre quelqu'un pendant une partie, là où je suis fort. Comprenez-vous? Alors, tu es fort dans les finances, tu es fort dans l'évangélisation, le Seigneur t'a enseigné à être un homme, une femme de Dieu dans ton couple. Bien, tu suis quelqu'un pendant un bout de temps dans cet aspect-là, où tu es son parrain, tu vas travailler avec la personne, puis à un moment donné, elle a un autre besoin dans sa vie, il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève. Mais cet aspect-là de parrainage est extrêmement important, et que Dieu nous donne d'avoir cela ensemble, d'avoir des amis. Il y a quelqu'un qui, depuis peut-être 3 ou 4 mois, je reçois un appel à un moment donné d'un pasteur. On s'était perdu de vue dernièrement. Puis il m'appelle, il dit, hey Benoît, j'ai un cœur, comment ça va? Puis est-ce que tu serais d'accord qu'on se téléphone de temps en temps, peut-être se voir, puis qu'on prie ensemble, puis qu'on puisse partager? J'ai été vraiment, je dis, ben oui. Et depuis ce temps-là, régulièrement, on échange, on prie. Et quelle bénédiction. Je prie pour lui, je sais qu'est-ce qu'il vit, ses difficultés, ses défis, ses projets, et il prie pour moi. Je sais qu'il est discret, je peux ouvrir certaines choses qu'il ne répétera pas, parce que je ne veux pas qu'il y a des choses qu'on peut dire à une personne, mais qu'on ne veut pas qu'il sorte. Et quelle bénédiction! Et je dois vous avouer que mes expériences dans le passé m'avaient amené à être pas mal frileux à ce niveau-là. Mais je suis en train de goûter à quelque chose de vraiment intéressant. Que Dieu nous donne ça aussi comme Église, de pouvoir avoir ces amitiés. Ou ces moments intimes sont là pas pour commérer puis dire n'importe quoi, même de se reprendre, de s'encourager, de s'édifier, de pouvoir partager, ouvrir mon cœur. Que Dieu nous donne cela. Que Dieu nous donne d'avoir des familles solides. La famille, je le répète, est attaqué présentement. Sur tout bord, tout côté, la famille est attaquée. On ne sait plus trop comment élever les enfants, on ne sait même plus trop si on les élève chrétiennement, si on ne se fera pas enfermer bientôt, là, parce qu'on va trop les emmener avec une espèce d'esprit sectaire selon la société. Non, on refuse cela. Et on a besoin, comme Église, d'avoir des couples solides, d'avoir des familles qui sont solides. Et c'est la même chose au niveau des individus. Comment on peut, la grosse question, c'est comment on peut arriver à mettre tout ça le plus possible en équilibre? Ça, c'est la grosse question. Mais recherchons tous ces moyens que Dieu nous a donnés. Ça m'amène au dernier point avec quelques exhortations à ce sujet-là. Première exhortation, ils vont apparaître à l'écran. Recherchez à intégrer plusieurs formes prescrites par Dieu. Et d'avoir un équilibre entre elles. En fait, recherchez. Ça ne sera pas toujours possible. Vous savez, il y a des saisons de notre vie où tout à coup, ça se peut que vous vous retrouviez dans un coin, puis il n'y a même pas de grande assemblée. Ça se peut que vous soyez un célibataire, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de conjoint, de conjoint. Donc, c'est possible. Mais autant que possible, recherchons à prendre tous ces moyens que Dieu nous a donnés. Et de les vivre de façon équilibrée. Dieu ne s'est pas trompé. Il sait nos besoins, il sait de quoi on est fait. Alors, s'il a donné ces moyens-là, c'est parce que c'est bon pour chacun de nous. Et soyons clairs, je ne suis pas en train de vous dire, let's go, puis allons-y, puis tout va être parfait, puis ça va être le ciel sur la terre. Écoutez, on a plus d'expérience que ça de la vie. Ça ne sera pas facile toujours. Mais ça aussi, Dieu l'avait prévu. Et arrêtons de dire, ouais, moi je vais continuer à aller à l'église parce que c'est la meilleure place pour être sanctifié, parce que les gens sont tellement sanctifiants. Non? C'est vrai que les gens sont sanctifiants et ils manquent de sanctification. C'est vrai, moi le premier, OK? Mais c'est plus que ça l'église. Oh, qu'il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie. Au travers de ces moments-là, ce n'est pas juste qu'on est sanctifié par la souffrance. Tout à coup, quelqu'un, Dieu va l'utiliser d'une façon spéciale, même s'il est imparfait, comme chacun de nous on est imparfait, il va l'utiliser dans ta vie. Moi, j'ai une très haute vue de l'Église. Et je m'attends, quand je rencontre des croyants, à être béni. Je m'attends, quand je viens dans la grande assemblée, à être béni. Je m'attends, dans mes amitiés, à être béni. Je m'attends le mercredi, quand je viens à la réunion, d'être béni, que Dieu va utiliser ça, il l'a promis. Je m'attends aussi que oui, il va y avoir des affaires qui ne me plairont pas toujours. Mais je crois que ces formes-là, c'est Dieu qui les a établies, et je ne dois pas les mépriser, les rejeter, et tenter de les pratiquer tout le plus possible. 2. Évitez de pousser une forme à l'extrême. Ça, c'est le danger. Qu'est-ce qui m'amena là dernièrement? Je lisais un livre, puis il parlait des petits groupes. Puis j'avais une espèce de malaise, puis je disais, c'est pourquoi que j'ai envie de réagir à ça? Et l'idée, c'est que je trouvais que ça poussait trop loin, ce point-là. Mais en fait, son but, lui, c'était de présenter ce point-là. Mais que Dieu nous donne l'équilibre, alors qu'on lit ces choses-là, que quelqu'un il pousse son point, je comprends, il est rendu qu'il prêche, puis dans le texte, ça met l'accent sur la famille, puis il va prêcher comme s'il n'y avait que la famille, puis c'est ça, c'est correct. Mais nous, alors qu'on reçoit ça, mettons ça dans l'ensemble pour avoir quelque chose d'équilibré, dire « yes, la famille », mais j'oublie pas aussi qu'il y a l'Église, il y a l'amitié, il y a les petits groupes, il y a etc. Évitez de pousser une forme à l'extrême. La madame qui dit, « Moi, mon mari, là, tellement important pour moi, c'est mon mari, c'est mon ami, c'est mon pasteur, c'est mon confident. » Bien content. Parfait. Super. Puis, mais tu sais qu'il y a d'autres moyens que Dieu a donnés aussi. Continue. Prends tout ce que ton mari peut... Vas-y. Mais tu sais qu'il y a d'autres moyens aussi. Quelqu'un me racontait, ça m'a tellement attristé. Il parlait avec un des pasteurs de son église. Puis le pasteur tentait de le convaincre de quelque chose. Alors, il amène argument après argument, le pasteur. La personne qui écoutait dit, « Non, je ne pense pas, parce qu'il y a tel verset aussi. » Puis le pasteur argumente, réussit pas à convaincre. Son dernier argument a été le suivant. Tu devrais le faire parce que simplement je suis ton pasteur puis Dieu te demande de m'obéir. C'est intéressant dans la Bible parce que à un moment donné Paul il dit je voulais convaincre Apollos de se rendre chez vous à Corinthe. Mais c'était décidément pas sa volonté. Donc il n'a pas choisi de le faire. Intéressant. C'est pour ça que on est avant tout des individus. Puis de pousser le pastorat ou le rôle, l'autorité du pasteur à l'extrême pour en faire une espèce de gourou, de dictateur, c'est malsain. Et on doit continuer à avoir un discernement, d'être capable de dire non, je ne suis pas convaincu. Puis les pasteurs doivent être assez humbles pour dire ben, regarde, c'est correct. Puis prions, puis on va voir comment Dieu dirige avec ça. Il y a eu tellement d'abus spirituels. Mais je vais présenter aussi l'autre point de vue. Les pasteurs doivent être des dirigeants aussi. Je vous pose une question. C'est quand la dernière fois, la Bible dit « Soyez soumis à ceux qui vous dirigent » dans l'Église. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes soumis? Vous allez dire « Ah ben, à chaque fois qu'il enseigne la parole, je me soumets. » Non, tu es soumis à la parole. C'est pas pareil, là. Parce qu'il faut faire attention aussi, il y a des églises qui abusent des pasteurs aussi. Et on est une société très rebelle qui n'aime pas l'autorité, qui n'aime pas se faire dire quoi faire, puis facilement on va appeler abus spirituel quelqu'un que Dieu demande de diriger, puis de donner une direction. Puis il y a des gens qui le font avec humilité, patience, grâce, mais aussi avec conviction. Et des fois, ça ne fait pas tout le temps notre affaire, mais il faut suivre aussi. Donc, il faut quand même équilibrer tout cela. Évitons, je me répète, de pousser une forme à l'extrême comme s'il n'y avait que ça. Trois, soyez sages, équilibrés face aux dernières tendances. Dernier livre, dernier conférencier, la dernière mode. Ça fait assez longtemps que je suis dans le milieu évangélique. Il y a des modes, il y a des tendances. Même si c'est écrit dans l'Écriture, même si c'est pris de la Bible, faisons attention. Tout à coup, c'est la mode des petits groupes maison. Et là, tout le monde passe aux petits groupes maison. À un moment donné, c'est la mode de faire du parrainage. Tout le monde se met au parrainage. Et les écoles chrétiennes qu'il faut rentrer dans les églises, tout le monde embarque là-dedans. Attention aux modes. Je n'irai pas plus loin que ça. Attention au mode. Revenons à l'Écriture, revenons à l'équilibre de l'Écriture. Quatre, évitez de favoriser une forme pour vous-même, parce que vous y êtes plus à l'aise. Dans 1 Corinthiens 12 à 14, je trouve ça intéressant, les Corinthiens parlent en langue, puis Paul leur dit, vous devriez avoir des prophètes parmi vous, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, les autres ne comprennent rien. Alors que celui qui prophétise, il édifie, console, exhorte les autres parce qu'ils comprennent. Puis il dit que tout ce que vous faites serve à l'édification. Ce n'est pas toi le centre, c'est les autres. Pense à ça. Pourquoi tu... Mettons tu regardes ta vie, puis il y a une forme qui est prédominante, qui est là, puis les autres sont plus ou moins absentes. Pour quelle raison? Bien, souvent, c'est simplement parce qu'on n'est plus à l'aise, ça nous rejoint dans notre personnalité, telle forme plutôt qu'une autre. Puis, la question c'est, est-ce que tu le fais pour toi ou pour les autres? Pourquoi, par exemple, on a un problème dans notre vie? J'ai un problème quelconque, pourquoi je n'irais pas voir quelqu'un puis m'ouvrir puis dire, écoute, j'ai telle difficulté, est-ce que tu veux m'aider? On appelle ça du parrainage ou que quelqu'un lutte avec moi. La Bible nous dit porter les fardeaux. Bon, pourquoi on ne le fait pas plus que ça? Ben, soyons honnêtes, c'est exigeant et c'est impliquant. Ça m'implique d'aller voir quelqu'un et dire, écoute, j'ai tel problème, veux-tu m'aider? On va se voir à chaque semaine, on va prier, puis je vais être redevable. Pose-moi les questions, puis je m'engage. Et là, on choisit bien la personne. Mais pourquoi on ne le fait pas plus? Pourtant, la Bible enseigne. Ben, c'est exigeant. Évitez de favoriser une forme pour vous-même. 5, évitez d'être en réaction. Quand j'ai nommé ces groupes tout à l'heure, ces formes là, dans l'Église, je suis convaincu qu'il y en a parmi vous qui ont dit, « Bon, que c'est ça? Ah non, alors, parle-moi plus des petits groupes. J'ai embarqué pendant 2 ans là-dedans, puis je me suis fait brûler. » Et parle-moi plus de ça. Les pasteurs, parle-moi plus de ça. J'ai eu un dictateur une fois, puis il n'est pas question. Le mariage, c'est la pire affaire qui n'existe pas. J'ai été marié 8 fois, je le sais. Hein? Attention, qu'est-ce qui fait autorité dans ta vie? Ton expérience? Tes expériences négatives? Tes traumatismes? Ou la parole de Dieu? Maintenant, je vais... Quand même, je veux le faire avec grâce là, quand j'emploie ça comme ça, parce que quand on a eu un traumatisme, c'est réel, c'est pas évident. Et probablement que si on ouvrait et on partageait, il y a quelques-uns qui pourraient dire, moi, il y a été un temps, là, je venais à l'église, là, je ressortais plus défaite que quand j'étais arrivé, parce que j'ai été blessé, puis ça a été difficile, puis il y a des chocs, il y a des blessures qu'on a, puis qui nous font mal, puis qui font en sorte que c'est difficile de pratiquer certaines formes. Maintenant, la manière dont le croyant doit agir, c'est de dire, « OK, Seigneur, tu commandes telle chose, c'est difficile pour moi, veux-tu venir m'aider? » J'écoutais John Piper et il parlait de la lecture de la Bible. Puis il parlait des raisons pour lesquelles les gens ne lisent pas. Puis une de celles-là, il racontait entre autres qu'il y avait un jeune homme qui ne lisait pas parce que son père, il lisait la Bible puis il battait sa mère. Donc, il dit, moi, je ne veux pas lire parce qu'à chaque fois que je lis, je m'approche de la Bible. Je pense à mon père qui battait ma mère, puis je trouve que c'est un hypocrite. Puis ceux qui lisent la Bible, c'est des hypocrites. Et John Piper, avec beaucoup de grâce, puis de compréhension, puis de compassion, répond à cela. Donc, mais je ne vous présenterai pas toute la réponse, mais il dit ceci. Une lecture et une méditation de la Bible qui diminue deviennent des péchés lorsqu'elles sont dues à un recul immature et adolescent face aux traditions que nous avons vues chez nos parents, dans notre Église, et qui nous semblaient hypocrites et stériles. C'est une marque d'une grande immaturité, dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, que de refuser de faire le bien, quelque chose de bien, parce que nos parents l'ont mal fait. C'est comme refuser d'être médecin parce que notre père était un charlatan, ou refuser d'aimer les desserts parce que notre mère était obèse, ou refuser d'écouter de la musique classique parce que c'est la seule qu'on te laissait écouter quand tu étais adolescent. C'est idiot, c'est immature, ne soyez pas comme cela. Cela comprend le refus de lire la Bible tous les jours parce que votre père a fait et l'a fait, lire la Bible, et qu'il a battu votre mère. Il était violent et il lisait la Bible. Ce genre d'immaturité est un triomphe de Satan. Une tactique du malin. Vous ne voulez pas être le laquais de Satan et être en fait comme un adolescent immature, un adepte immature du malin. Donc, ces blessures, ces traumatismes, ces mauvaises expériences, le Seigneur peut nous en guérir. Et donc, avec beaucoup de grâce, de compassion, aidons-nous les uns les autres à dépasser cela. Mais je vous en prie, par la grâce de Dieu, ne rejetez pas certaines formes préconisées par Dieu simplement parce que vous avez vécu des choses difficiles. 6. Sans rejeter certaines formes dont ne parle pas l'Écriture, soyez prudents et ne leur donnez jamais la même importance que les autres formes établies par Dieu. Aujourd'hui, on nous dit, parce qu'en même temps qu'il y a des conférenciers qui présentent ces formes-là, qui vont vous dire, la clé, ça prend une bonne administration dans l'Église. Et je travaille dans une entreprise, puis on parle de plus en plus d'avoir des plans stratégiques où on regarde nos forces, nos faiblesses, les menaces, opportunités. Tu sais, vous avez fait tout ça. Mais j'étais étonné parce que j'avais fait la même chose avec l'association quand j'étais président de l'association. Donc, on approche souvent l'Église avec des formes du monde, qui est l'administration selon le monde, ou encore le marketing selon le monde. Si on veut être une Église efficace, on va prendre des principes de marketing, on va faire un espèce de plan stratégique pour voir les besoins et pouvoir tenter d'y répondre, etc. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Un bon prédicateur, je pense que ça va à peine qu'il regarde un petit peu l'art oratoire, même si ce n'est pas dans la Bible. Disons que ça aide un peu. La grosse question avec ces moyens-là d'à côté, là, okay, que la Bible ne préconise pas, que c'est la question suivante. C'est sur quoi tu t'appuies pour être puissant dans ton ministère? Est-ce que c'est ça? Ou c'est ce que Dieu a promis, ce que Dieu a commandé? Puis, si tu utilises ces choses-là, bon, mais donne-leur la place qui leur revient. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas des absolus. Tantôt, ça va être une autre mode. Ils vont inventer d'autres stratégies, d'autres approches. Bon, je ne veux pas être anti tout cela, là, comprenez-moi bien. Je dis juste, on ne donne pas la place à ces choses-là comme la parole de Dieu. Finalement, croyez qu'une forme établie par Dieu doit être approchée par la puissance de Dieu, selon les directives de Dieu et pour la gloire de Dieu. Parce que même si on utilise la bonne forme, il est arrivé que Dieu a condamné des gens. Les Corinthiens prenaient le repas du Seigneur. Hey, ils se réunissent, prennent le repas du Seigneur, puis Dieu dit, quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Le Seigneur n'appelait même pas ça le repas du Seigneur, ça avait la même forme, mais quand on ne suit pas les directives de Dieu, on n'a pas le cœur comme Dieu veut qu'on l'ait, puis qu'on ne dépend pas de Dieu, de sa puissance, Dieu dit, je hais vos assemblées, souvent, c'est ce qu'il a mentionné aux Juifs de l'Ancien Testament. Donc, par la puissance de Dieu, toutes ces choses, selon les directives de Dieu et pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide dans les prochaines années, on est en train, comme conseil, on veut faire ça avec vous, de regarder comment on peut améliorer. Et on va reparler de tout ça, mais que Dieu nous donne la sagesse et la liberté en Christ de pouvoir continuer à avancer. Prions quelques-uns, s'il vous plaît. Vous voulez nous conduire dans la prière?